suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Leçon 26. Lektion 26. Dans nos deux dernières leçons, nous avons vu l'usage du conditionnel et de l'impératif en luxembourgeois. Aujourd'hui, nous allons traiter le passé, ce qui donne pour les auxiliaires être, sin et avoir hun, ich war, du warst, hier sie hat war, mir waren, dir wart, sie waren et ich hat, du hast, hierin sie hat hat, mir hatten, dir hat, sie hatten. Pour les verbes principaux, le luxembourgeois utilise normalement le parfait présent pour exprimer le passé. Quelques verbes possèdent un passé. Les verbes utilisés les plus fréquents étant « können » « pouvoir » et « wollen » « vouloir » qui se conjuguent comme suit. « Ich konnte »,« du konntest »,« hier konnt »,« mir konnten »,« dir konnt »,« sie konnten » et « ich wollte »,« du wolltest »,« hier wollt », »,« mir wollten »,« dir wollt »,« sie wollten ». Le passé existe encore pour d'autres verbes comme par exemple stoen, être debout, goen, aller, kriegen, recevoir, gin, devenir et être, sin, dans la forme passif, leihen, être allongé. Pour stoen, nous avons stong, du stongst, hier stong, mir stongen, dir stongt, sie stongen. Pour goen, nous avons ich gong, du gongst, hier gong, mir gongen, dir gongt, sie gongen. Pour kriegen, nous avons ich krote, du krotest, hier krote, mir kroten, dir krote, sie kroten. Pour gin, nous avons ich gauf, du gaufst, hier gauf, mir gaufen, dir gauft, sie gaufen. Et pour leihen, nous avons ich loch, du lochst, hier loch, mir lochen, dir locht, sie lochen. Pour la majorité des verbes, par contre, on doit utiliser un temps composé. Si le verbe exprime un mouvement, on utilise normalement, mais pas toujours, l'auxiliaire « être », « sin », tandis que pour les autres, on utilise « avoir », « hun ». Il est clair que pour être capable de faire cela, il faut savoir le participe passé, comme on doit connaître le présent des verbes pour savoir lesquels sont réguliers et ceux qui ne le sont pas. Malheureusement, il n'existe pas de livre spécial en luxembourgeois pour vous donner ces détails. Par contre, vous allez trouver une liste de verbes à la fin du vieux livre orange de l'action luxembourgeoise et dans le dictionnaire français-luxembourgeois de Henri Rinnen. Allons voir maintenant la pratique en prenant notre dialogue de la leçon 19. Comme vous vous rappelez, Thun avait des amis au Portugal et il leur montrait le pays. Moyen Thun, wie geht es? Moyen, gut, aber dir. Was tust du an deiner Vakanz gemacht? Qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances? Oh, ma hatte Besuch, Freunde aus Portugal. Oh, nous avions de la visite, des amis du Portugal. Sie sind eine Woche zu Lützburg geblieben. Ils sont restés une semaine au Luxembourg. Sondes Oves ne sont quasi gefuhr. Le dimanche soir, je suis allé les chercher à la gare. Mendes sind wir auf Feiern gefuhr. Le lundi, nous sommes allés à Fienden. Wir sind Burschkuck gegangen. Nous avons visité le château. De nos immeubles Clive gefuhr. Après, nous sommes allés à Clairvaux. Wir sind Ausstellung The Family of Men gegangen und ich schon in den Tabteil gewesen. Nous avons visité l'exposition The Family of Men et je leur ai montré l'abbaye. De nos immeubles restaurant gegangen. Après, nous sommes allés au restaurant. Dienstes sind wir auf Mondorf gefuhr. Mardi, on est allé à Mondorf. Wir waren am Fitnesscenter und dann sind wir schwimmen gegangen und haben ein bisschen Bodybuilding gemacht. Dann sind wir bei Maus Kati in Höhle gegangen. Nous sommes allés au centre fitness et puis nous sommes allés nager et on a fait un peu de bodybuilding. Après, nous sommes allés chez Maus Kati boire un verre. Mittwoch sind wir auf Musel gegangen. Wir haben zu Rehmisch angefangen, als ich langst Musel gefuhr. Oves sind wir auf Ersternacht gegangen. Mercredi, nous sommes allés à la Moselle. Nous avons commencé à Rémich et on a passé la Moselle. Le soir, on est allé à Echternach. Donnerstag zu mir eine Pause gemacht. Jeudi, on a fait une pause. Wir sind daheim blieben und nous gerascht. Nous sommes restés à la maison et nous nous sommes reposés. Oves, hun ich eine letzte Boyer Spezialität gekocht. Le soir, j'ai préparé un plat luxembourgeois. Freitag, hun ich in den Dreher gewiesen. Vendredi, je leur ai montré trèfle. mais in de ganzen der d'oblieven als in Acker vergangen. Nous sommes restés toute la journée à Trèves et nous avons fait des achats. Samstes Mures sind wir an die Stadt gegangen und nur mittels sind wir Freunde im Heim à Portugal gefahren. Le samedi matin, nous sommes allés en ville et l'après-midi, mes amis sont retournés au Portugal.